الدعوة السلفية الدعوة السلفية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدعوة السلفية الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter شرح تلخيص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. إذا جاء الأثر بطل النظر. cours dispensé en direct de InSpeak par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji حفظه الله. cours numéro 19. Le critère d'observer, une lecture modérée. On demande à Allah Azza wa Jal qu'elle soit profitable pour l'islam et le musulman. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم واكتفى أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال ابن عمر وإن رآها الناس حسنة أما بعد إن شاء الله بخصيده à la révision du cours numéro 18, de la lecture d'Al-Fatiha pour celui qui est présidé. On va commencer par celui qui est imam. Celui qui est imam, ou celui qui prie individuellement, quel est le jugement de la Fatiha pour ces personnes-là? C'est wajib. Naam, c'est obligatoire. Et même si vous pouvez dire, c'est un ruknum. C'est un pilier. Parce que comme on l'a pu voir, il y a une petite différence entre le wajib et le pilier. Le pilier, si jamais tu ne le fais pas, il annule directement la prière, tandis que le wajib, ça peut annuler comme ça ne peut pas annuler l'acte de la prière sur lequel tu es en train de faire, si jamais tu as délaissé l'obligation du wajib. Quelle est la preuve pour cela? Quelle est la preuve qui indique qu'il y a le wajib ou que c'est un pilier pour l'imam et celui qui prie individuellement? Hadith Naam. La salat al-imam lam yaqra bi fatihat al-kitab. Donc, il y en a comme on a pu voir, la salat al-imam lam yaqra bi fatihat al-kitab, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui elle invalide la prière de celui qui n'aura pas lu al-fatiha. Donc, ça implique comment s'appelle l'imam et la personne qui prie tout seul. Quel est le jugement de la lecture de fatiha pour celui qui est présidé? Donc, là, je vous pose une question de manière générale. Donc, c'est possible, si c'est possible, répondez d'une manière générale, sans détailler. Quel est le jugement de al-fatiha pour la personne? De la lecture de l'Fatiha pour la personne qui est présidée. Là, j'ai parlé d'une manière générale. C'est-à-dire que ça rentre dedans la prière qui est faite à voix basse, ça rentre dans ma question, ça rentre la prière qui est faite à voix basse, la prière qui est faite à voix haute, sans rentrer dans les détails. Si vous vous rappelez, j'avais pu dire année que le jugement de la Fatiha pour celui qui est présidé, la lecture de l'Fatiha pour celui qui est présidé, tamam, elle est obligatoire pour toute personne qui a la possibilité de pouvoir lire al-Fatiha. Et si vous prenez l'avis numéro 3, l'avis qu'on a vu, comment ça s'appelle, des personnes qui disent que la prière à voix haute, lorsque la prière à la voix haute, l'al-Fatiha, elle n'est pas obligatoire pour la personne qui est présidée. Là, je parle pour ceux qui ont pris cet avis-là. Si jamais on leur pose la question, d'une manière générale, c'est comme ça qu'il faut répondre. Tu dis, al-Fatiha, la lecture de la Fatiha, elle est obligatoire pour la personne qui est présidée à partir du moment où il a la possibilité de pouvoir lire al-Fatiha. Ça, c'est une réponse qui est globale et qui est juste. Pourquoi? Parce qu'on a comme on a pu le voir, celui qui est présidé dans une prière qui est faite à voix basse. Lui, il est possible pour cette personne-là qu'elle lise al-Fatiha. Donc, dans ce cas-là, il doit lire al-Fatiha. Celui qui est dans une, qui est présidé, qui est dans une prière, qui est faite à voix haute, là, la voix de l'imam, elle ne lui parvient pas. Pourquoi? Problème de transmission, le micro ne marche pas. L'imam, il est à voix haute, la superficie de la mosquée a fait que ceux qui sont présidés, ou bien certaines des personnes qui sont présidées, n'entendent pas la Fatiha. Donc dans ce cas-là, là, il n'entend pas avec de l'imam. Donc dans ce cas-là, la personne qui est présidée, même si jamais la prière elle est faite à voix haute, elle doit lire la Fatiha. Pourquoi ? Parce que là, il n'y a rien qui lui empêche de pouvoir lire la Fatiha. Ah, mais si jamais il entend la lecture de l'imam, là, dans ce cas-là, celui qui est présidé, si jamais la prière elle est faite à voix haute, et qu'il n'y a pas de problème, la lecture de l'imam lui parvient, il entend. Donc, dans ce cas-là, il ne doit pas lire le Fatiha. Pourquoi ? Parce que là, il a un motif qui l'empêche de pouvoir lire le Fatiha. C'est la parole d'Allah Azza wa Jalla dans laquelle il dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Lorsque le Coran est lu, écoutez-le attentivement afin que miséricorde vous soit faite. Et on a pu voir aussi qu'à Dalika, pour la personne qui rejoint les rangs, alors que l'imam, il a déjà commencé la prière. L'imam est en train de lire à voix basse. Il arrivait vers la fin de la Fatiha. La personne qui arrive, kazalika, il lit ce qu'il peut. Si jamais il n'a pas fini et que l'imam a fait le takbir, il doit aller en recours. Donc dans ce cas-là, il a fait ce qu'il pouvait. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'il doit ramener tout le Fatiha. Pourquoi ? Parce que là, il a un motif qui l'empêche de pouvoir continuer le Fatiha et la compléter. C'est quoi ? C'est le fait de suivre l'imam. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama ju'ila al-imam yutamma bih. L'imam il a été placé afin qu'il soit suivi. Et qu'à les cas, si jamais il vient et l'imam il en recourt. Certaines personnes, comme on peut le voir, chez certains frères de mérite, lorsque l'imam il en recourt, tu le vois, il s'empresse, il fait le takbir, il rattrape l'imam et l'imam il en recourt. Il se précipite de lire Al-Fatiha. Il a lu super vite. Et même peut-être d'une manière qui fait qu'il ne donne pas le droit aux particules comme il se doit. Parce que comme on va le voir, il faut que tu donnes le droit des particules comme il se doit lorsque tu lis. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, waratil al-Qur'an tartila, c'est-à-dire que tu donnes tout droit, tu dois donner le droit à tous les particules, tous les hurufs, tu dois le donner son droit, tu dois le lire comme le haf, tu dois le lire comme il se doit. Tu le vois, il lit d'une manière, peut-être en quelques secondes, il a déjà conclu, il a déjà achevé la lecture de Fatiha, et en plus, et après, il s'empresse pour aller au ruku'. Ça, c'est khilaf sunnah. Tu dois lire d'une manière qui est correcte. Et thaniyan, c'est que Nabi Sassam, il a dit إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِتَمَّ بِهِ. C'est-à-dire, là, il est en recours, tu dois faire comme il te donnait en recours. Donc là, kazalika, c'est un motif qui empêche à la personne qui est présidée de pouvoir lire Al-Fatiha. Pourquoi ? Parce qu'il doit suivre l'imam. Donc la réponse, elle est à terre. Celui qui est présidé, il lui est obligatoire. C'est un pilier pour lui de lire Al-Fatiha à partir du moment où il a quoi ? La possibilité. Ensuite, tu détailles, c'est un petit de l'avis de ceux qui disent que l'Al-Fatiha, elle n'est pas obligatoire pour la personne qui n'a pas la capacité ou plutôt la possibilité de pouvoir la lire. Ensuite, tu détailles comme on a pu le détailler, en ramenant les motifs qui font que la personne qui est présidée ne peut pas lire Al-Fatiha. De quelle manière doit être lit Al-Fatiha ? C'est-à-dire celui qui est présidé, lorsqu'il lit Al-Fatiha ou bien une autre sourate parmi le Coran, est-ce qu'il doit la lire à voix haute ou à voix basse ? Il doit la faire à voix basse. Ça, c'est la sunnah. Fi haq al-ma'moum. Il doit la lire à voix basse. Comme on a pu voir, il y a un hadith qui est rapporté par l'imam muslim, si je me rappelle bien, dans lequel une personne, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a lu Sabbih isma rabbika al-a'la, une personne, elle a lui avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sabbih isma rabbika al-a'la. Faqala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qadhanantu anna wahidan. Il dit, j'ai pu constater qu'une personne est en train de me concurrencer dans la lecture de Sabbih isma rabbika al-a'la. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala dit, bil-ittifaq, même par unanimité des savants, ils sont tous d'accord que il est détestable de la personne qui est présidée, elle élève la voix dans sa lecture. Même lorsqu'il est présidé, c'est détestable dans ce cas-là qu'il élève la voix dans la lecture. Donc, dans le cas, le hadith, comme on a pu le voir, la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Que chacun d'entre vous ne lève pas la voix sur la lecture de son frère. Donc l'imam, lorsqu'il est en train de lire, ne lève pas la voix. Tu ne lèves pas la voix sur lui. Comme c'est le cas, si on est en train de lire un Coran, ou plutôt une personne est à côté de toi en train de lire un Coran, ne va pas élever ta voix au-dessus de la lecture de ton frère. Tu la lis d'une manière à ce que tu ne déranges pas ton frère. Donc, comme on a pu le voir, comme l'imam Nawawi, c'est bittifaq. Bittifaq, il n'y a pas unanimité que la lecture doit être faite à voix basse pour celui qui est présidé. Qu'est-ce qu'on avait pu voir aussi ? On avait vu la masala sur Amin, sur Ta'min. Le fait de dire Amin. Quel est le jugement de dire Amin dans la salah ? Pour celui qui est présidé, ou faites-moi un tafsir, un détail. C'est mustahab. Pour qui? Obligatoire si le dit l'imam. Et mustahab, c'est pour qui? Parce que tu as dit mustahab. Si l'imam dit wala dhalin amin, donc le, celui qui est précédé doit dire amin. Et là, tu m'as dit juste avant mustahab. Pour l'imam ou celui qui prie tout seul. Pour l'imam et pour celui qui prie tout seul. Amma, celui qui est présidé, là, tu as dit si l'imam le dit. Non, celui qui est présidé, il doit dire amin. Que l'imam dise amin ou pas. Parce que Nabi Sallam l'a dit, il a qu'à l'imam wala dhalin, lorsque l'imam dit wala dhalin, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit amin, faqa le Nabi Sallam, qulu amin. Si l'imam dit wala dhalin, vous dites amin, c'est-à-dire si l'imam ne dit pas amin, il faut dire comme un cas, pour celui qui est présidé, il doit dire amin. Donc, le fait de dire amin après le fatiha, c'est obligatoire pour l'imam, c'est obligatoire pour celui qui est présidé. Dans tous les cas. Que l'imam me dise amin ou que le dise pas. Et c'est mustahab, istihbaban muta'akkidan, c'est une recommandation qui est fortement recommandée, pour qui? L'imam et pour celui qui prie tout seul. Comme on a pu le voir, amin, c'est une dua. Ça affirme yani, la demande que tu es en train de demander. Comme il dit, c'est tab'a. Tu es en train de vouloir yani, que ta dua que tu as fait, qui est ihdina sirat al-mustaqim, tu es en train de demander à Allah Azza wa Jalla qui l'exauce. Donc il ne faut pas le délaisser. C'est fortement yani, détestable de délaisser cette chose-là. Une dua. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vais vous exaucer. Donc il faut l'invoquer. Et comme on a dit, amin, c'est une dua. Parce que j'ai dit, Allahumma stajib. Oh mon Seigneur, exauce-moi. Exauce, yani la dua. Tamam. On avait pu voir aussi, kazalika, si je ne me trompe pas, à quel moment on doit dire amin. À quel moment l'imam ou celui qui est président doit dire amin. Après l'imam. En même temps que l'imam. Mais on peut après. Non, on ne peut pas après. Lorsque tu dis on peut, c'est-à-dire c'est autorisé. C'est pas autorisé. Dans le sens où c'est détestable. Une chose qui est autorisée, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu le fasses ou que tu le fasses pas. Yanni, tu ne seras pas blâmé. À même chose que tu fais, مثلاً, si jamais tu le fais, tu es récompensé. Si jamais tu la délaisses, tu seras blâmé, mais tu ne seras pas sanctionné d'un péché. Ça, on dit une chose qui est détestable. Ensuite, lorsque tu délaisses une chose qui est recommandée, on ne peut pas dire de son contraire que c'est autorisé. Non, on dit son contraire, c'est quoi? Khilaf al-awla. Lorsque la personne délaisse une chose qui est préférable, lorsqu'elle délaisse, on dit hada khilaf al-awla. C'est-à-dire que tu as délaissé une chose qui était bien meilleure pour toi. Amma al-mubah, c'est la chose que tu fais, que tu le fasses ou pas, c'est la même chose. Que tu le fasses ou pas, c'est la même chose. Amma là, c'est pas la même chose. Si jamais tu le fais après l'imam, tu as khalaf al-sunnah. Parce que la sunnah, c'est que tu le dises en même temps que l'imam. C'est-à-dire, ou bien, yani, au moment où il commence à le dire l'imam, amin, toi commences directement à dire amin. Pourquoi? Parce que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam l'a dit, yani, idha qala al-imam amin, qalat al-mala'ikatu fi sama' amin. فَإِنَّهُمْ مَنْ وَافَقَ إِحْدَاهُمْ الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُمْ مَنْ تَقَدَّمَ ذَنْبِهِ. Lorsque l'imam dit Amin, les anges dans les cieux, ils disent Amin. Et si jamais le Amin de ceux qui sont présidés correspond avec le Amin des Malaïka, ceux qui ont dit Amin au moment où ils ont dit l'imam, tamam Amin, eh bien, il dit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ça sera une cause ou une expiation de ses péchés antérieurs. غُفِرَ لَهُمْ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Donc ceci nous prouve qu'il faut le dire à partir du moment où il a commencé l'imam. Et si jamais tu le dis avant, ça, c'est. C'est là, t'es assez, quoi. Nabi Sallam l'a dit, إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامِ يُتَمَّ بِهِ وَفِي رِوَيَتِينَ فَلَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهِ. Ne rentrez pas en divergence ou bien en contradiction avec l'imam. Suivez-le. Donc on doit le suivre, c'est dès qu'il a commencé à le dire, tu le dis. Si jamais tu l'as dit après, tu ne seras pas, sanctionné d'un péché. Là, qui t'as délaissé la chose qui est meilleure, c'est-à-dire de le faire au moment où l'imam il a commencé à le dire, parce que là, tu t'es privé à toi-même le fait que tes péchés antérieurs soient pardonnés. Donc c'est au moment où il le dit l'imam. Ou juste quand il a commencé à dire l'imam. Amin. Et non pas le précédé. C'est-à-dire qu'il faut faire attention quand même. C'est pas la course à Amin. Jusqu'au point même, peut-être, si jamais tu veux t'empresser, peut-être que tu vas devancer l'imam. Mais tu laisses de commencer déjà. Ah, il a commencé à dire ah. Toi, tu le suis derrière. On a pu voir que Al-Qira'a Ba'd al-Fatiha. Quel est justement le fait de lire une sourate après Al-Fatiha? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est mustahab? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est wajib? De temps en temps, recommandé. C'est lire une Fatiha après le Fatiha. Je parle après le Fatiha, attention. Je ne parle pas dans la deuxième raka, bien dans la, plutôt dans la troisième ou quatrième raka, pour les prières qu'ils ont, de trois ou quatre raka. C'est mustahab, bien et mutlaqa. Pourquoi ? Parce que le Nabi Sallam le faisait. Et thaniyan, il n'a pas été connu que le Nabi Sallam, lorsqu'il faisait une raka, il a conclu par la lecture de quoi ? Al-Fatiha, ensuite il va au ruku'. Ça, ce n'est pas connu de sa sunna. Le contraire, c'est que le Nabi Sallam lisait. Après Al-Fatiha, il ouvrait une autre sourate ou bien lisait quelques ayats. Et la preuve qui nous prouve cela, comme on a dit, Hadith Abi Huraira, dans laquelle il dit, ou plutôt, Kadalika, comme le Dalika, Nabi Sallam, il a dit à celui qui ne savait pas bien prier, Summa qara ma tayassara min al-Qur'an. Il a dit quoi ? Il a dit, après que tu aies l'Al-Fatiha, lis ce que tu peux du Coran. Et Kadalika, Hadith Abi Huraira, muttafaqun alayhi, dans lequel il dit, In zidta ala al-Fatiha, fa huwa khayrun. Wa niktafayta bil Fatiha, fa huwa. Il dit, Abu Huraira, si jamais tu rajoutes à la Fatiha, c'est mieux pour toi. Et si jamais tu te contentes de cela, c'est-à-dire que tu ne lis pas une chose après le Fatiha, que tu ne lis pas une chose après le Fatiha, il nous dit, là, dans ce cas-là, c'est quoi ? Ta prière sera suffisante. Ça suffira. Quoi. Donc c'est mustahab jiddan. C'est très recommandé. Il dit, Cheikh Al-Albani, Yusan an yuqara. بعد الفاتحة سورة أخرى حتى في صلاة الجنازة. شيخ الألباني يقول لك بعد الفاتحة، il est bien de lire afin une sourate après cela. Il dit même pendant la prière de janaza, la prière des funéraires comme ils disent, تمام؟ la prière funéraire, نسيت. تمام؟ il nous dit c'est bien après le Fatiha même quand tu pries صلاة الجنازة que tu ouvres après cela une sourate ou quelques versets après le Fatiha. لكن j'ai pu voir aujourd'hui, que l'imam Ibn Qadamata rahimahullah ta'ala, celui que vous connaissez bien maintenant, l'auteur de Lum'at al-Ihtiqad, qui est un grand savant parmi les savants des Hanabila, du fiqh, yani de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, wa kala di shaykh l'islam taymiyyat rahimahullah ta'ala, ma dakhala al-sham, rajulun afqa ba'd al-awza'i min Ibn Qadamah. Shaykh l'islam Ibn Taymiyyat rahimahullah ta'ala nous dit, on n'a pas connu une personne qui est venue après Al-Auza'i et qui fait partie des éminents salafs. Yani on n'a pas connu une personne, un jurisconsulte, yani plus d'une science telle que Ibn Qudama après la venue de qui ? De l'imam Al-Auza'i. Yani c'était quelqu'un qui était vraiment dans le fiqh, qui avait vraiment une grande connaissance dans le fiqh. Il nous dit « La a'lam khilafan fi annahu la yuqara ba'da al-fatiha shay'an min as-suwar fi salat al-janaza » Il nous dit, chez l'imam Ibn Qadamata rahimahullah ta'ala, qu'il ne connaît pas une personne parmi les ulama, tamam, qui ont dit que c'était possible et autorisé de lire une sourate après le Fatiha dans sourate al-Janaza. Donc là, même si jamais ce n'est pas vraiment un ijma' qu'il a ramené, mais ce savant-là, il est connu que c'était quelqu'un qui avait une grande science, il y en a des paroles et des jurisconsultes. Et il a pu voir qu'il n'a jamais connu quelqu'un qui a dit qu'on pouvait lire une sourate après Al-Fatiha pendant Salat al-Janaza. Donc ça c'est khilaf wallah alam al-ulama. C'est pas connu, même si Cheikh Al-Albani dit cela, il n'y a aucune preuve qui prouve cela. Donc il n'est pas connu que quelqu'un a fait cela. Donc le jugement qu'il a fait Cheikh Al-Albani, on lui demande qu'il ramène sa preuve, ou bien qu'il ait évoqué une preuve pour cela, et j'ai pas pu voir cela dans ses livres. Mais Inch'Allah on va regarder, parce que je ferai un livre sur le janaza, on va essayer de regarder cela. À la kulli hal, quand l'imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala dit la a'lamu khilafan fi dhalika, lorsqu'il dit je ne connais pas de divergence à ce sujet-là, c'est comme si jamais il ramenait l'ijma', parce que c'était quelqu'un qui était pieux et qui avait peur de dire que les savants sont tous unanimes, alors qu'il dit yani, c'était quelqu'un de modeste, il dit j'ai peu de connaissances, est-ce que j'ai je suis parti voir tout le monde pour savoir qu'ils sont tous unanimes, en tout cas de ce que moi j'ai pu voir, et c'était quelqu'un qui est connu lorsqu'il s'investit. Il s'investit à fond. Il a dit, j'ai pu voir, il y en a de ce que je connais, il n'y a personne qui a dit qu'on pouvait rajouter après le Fatiha une sourate. Donc il faut se contenter de ne pas lire une chose après le Fatiha, une sourate après le Fatiha, dans Salat al-Janaza, car il n'y a aucune preuve qui prouve cela. Bien au contraire, il n'y a aucune divergence à ce sujet-là, comme l'a évoqué Ibn Qudamata rahimahullah ta'ala. Donc il ne faut pas faire ça. Et Naham, quel est le jugement donc de lire Kadhalika, on a pu voir que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam avait ramené la mas'ala Est-ce qu'il faut allonger ou pas la lecture dans la prière? On a pu voir que les prières, le salawat al-khams, les cinq prières obligatoires, elles différencient l'une des autres. Quelle est la prière la plus longue des cinq prières obligatoires? Al-Fajr. Quelle est la sunna dans salat al-Fajr? C'est-à-dire, quelle est la mesure de la lecture, à peu près 60 versets. Il y a un autre hadith qui vient, qui dit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yaqra fiha salat al-Fajr min as-sittin ila 100. Nabi sallallahu alayhi wa de 60 à 100 versets. J'ai oublié de vous ramener ce hadith là qui est muttafaqun alayhi, dans lequel un sahabi nous dit que Nabi sallallahu alayhi wa avait pour habitude de lire de 60 à 100 versets pendant al-Fajr. Et comme on a dit, il est parti 85. Et cela, il est reparti dans les deux rak'a de salat al-Fajr. Donc à peu près ça, on a de 60 à 100 versets. De 60 à 100 versets. Ensuite, la salat la plus longue, c'est laquelle? Si vous vous rappelez, al-Dhahr. La prière de Dhahr. Le professeur, comme il l'a dit, Cheikh Al-Albani. Lakin, tu peux même peut-être mettre la prière de quoi? Wallah alam, al-Maghrib kadhalika. Lakin, al-Dhahr, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Quelle est la sunnah dans salat al-Dhahr? Parfois allongée et parfois raccourci. Il y avait un hadith, si vous rappelez, qui nous a été rapporté et qui nous ramène à peu près la mesure. Donc, qui se rappelle à peu près des nombres de versets que lisait le Nabi sallam pendant la prière du Dhuhr? Comme on avait dit, plutôt il y en a un peu plus. Parce qu'il avait dit quoi? Le hadith Abu Sa'id, il disait que le Nabi sallam, il lisait dans les deux premières rak'as, il avait à peu près mesuré l'équivalent des versets qu'il lisait dans le Messie sallam pendant le Dhuhr. Il nous avait dit qu'il lisait à peu près Sourate Sajda dans les deux premières rak'as. Et Sourate Sajda a fait quoi? A fait trois pages. Sourate Sajda a fait trois pages. Ensuite, il nous dit quoi? Qu'il lisait la moitié de ce qu'il avait lu dans les deux dernières rak'as. La troisième et la quatrième rak'as du Dhuhr. Il lisait la moitié de ce qu'il avait lu dans la première et la deuxième rak'as du Dhuhr. Ça veut dire en tout 4 pages et demie. Donc on peut voir que c'est assez long. Comme ça, c'est le nombre de pages que pouvait lire Nabi sallam, comme nous a dit Abu Sa'id. Il lisait Nabi sallam à peu près 4 pages et demie dans la prière de Dhuhr. Dans la prière de Dhuhr. À nos jours d'aujourd'hui, si tu fais ça, halas. Les gens, ils vont te mettre sur le côté. Ils vont dire, toi, t'es pas apte à ce que tu présides. Alors que c'est la sunna. La kinkom, on a pu le voir, Nabi sallam, c'est pas tout le temps. Des fois, il lisait. Peu, et des fois il lisait, il allongeait la prière. Des fois il allongeait, mais comme on peut le voir, Wallahu A'lam, qu'on peut ressentir à travers le texte et le hadith d'Abu Sa'id, on peut ressentir qu'il y avait une habitude, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait plus l'habitude à prolonger. À prolonger. Car il nous dit, il lisait, il y en a à peu près 4 pages, comme on a pu voir, il lisait Alif Lam Sajda. À peu près. Dans les deux premières rak'as, et la moitié d'Alif Lam Sajda dans les deux dernières rak'as. Et dans l'Asr, quelle est la sunna du Asr au niveau de la lecture? La moitié de ce qui a été lu dans le Dhuhr. Comme le hadith est évoqué dans le même hadith, Abi Sa'id, ce qu'on a évoqué précédemment. Donc ça veut dire 4 pages et demie, si tu divises par 2, ça fait à peu près 2 pages et un quart. Et le Maghrib, on a dit parfois, on prolonge, parfois on raccourcit. Naam, hazahwa. Le Maghrib, et comme on a pu le voir aussi, lorsque tu. Comme le Dhuhr, parfois long et parfois. Naam. Et comme on a pu le voir, Kadalika, c'est à peu près comme le Dhuhr. Le Maghrib, Kadhuhr. Car comme on peut le voir, si tu regroupes un peu les textes qui ont été évoqués quant à la lecture du professeur Salam Yanni pendant le Maghrib, tu peux voir qu'elles ont plus un penchant vers la lecture qui a été prolongée. Il a lu Surat Al-A'raf, il a lu At-Tur, il a lu. Comme on peut voir, Al-A'raf, ça fait 25 pages. Al-A'raf, à peu près 25 pages. Deux hizb et demi. Il a lu Kadalika Al-Mursalat, il a lu Kadalika At-Tur. Il a lu, il y a des sourates qui sont à peu près longues. Ça lui arrive de lire Wattin, Wazzaytoun et d'autres sourates. Donc on peut voir à peu près que la sunna, c'est plus, c'est d'allonger à peu près, de lire parmi les sourates qui sont, on va dire, mutawassit par min al-mufassal. C'est-à-dire les sourates qui sont à peu près du même genre que Mursalat, c'est-à-dire qui font deux pages, une page et demie. Mursalat, ça fait à peu près une page et demie. Al-Mulk. Il y a des sourates dans ce genre-là. Qui doit lire à peu près dans le Maghrib. Et l'Aïcha? Non. Lire des petites sourates. Comme l'a dit le Cheikh Al-Albani, il y a parmi les Qissar al-Mufassal. Les sourates qui sont courtes. Les sourates qui sont courtes. Il y a un frère, un jour, il m'a fait Tanbih qui est là à Basbihi. Si vous connaissez peut-être, c'était l'imam de Sartreville à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours lui. Il m'avait dit, tu ne dis pas As-Suara As-Sahriara. Mais tu dis As-Suara Qasiara. Il m'a dit, tu ne dis pas la Suara, elle est petite. Parce que petit, c'est le contraire de grand. Ça peut être le contraire d'une chose qui est éminente. En gros, il voulait me dire, toutes les Suara sont éminentes. Il m'a dit, mais tu dis, la sourate, elle est courte. C'est-à-dire, ces nombres de versets, ils sont courts, ils sont peu. Et ça, c'est un també, là, parce que c'est dans la langue arabe, sahir, tu dis pas, il y en a une chose qui est réduite au niveau de son contenu, tu dis pas qu'il est sahir. Tu dis, il est qasir. Comme quelqu'un, mathalan, tu veux parler de la taille de quelqu'un, tu dis pas, hada sahir, il est petit en taille. Non, si jamais tu veux utiliser ça, tu diras qasir. Et ça, c'était un tanbih qui était pas mal. Hein. Donc, Inch'Allah, de lire les sourates qui sont courtes. Voyez à quoi. Donc, on a dit le maghrib, c'est ça. Le Aïcha, c'est de lire des sourates qui sont courtes. Parce que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam est là, interdit de prolonger la prière. Et la lecture pendant l'Aïcha. Donc, Inch'Allah, on va rentrer. Et Kadalika, les sourates qu'ils ont. Plus de deux rak'ah, comme c'est le cas de Dhuhr, comme c'est le cas de Asr, comme c'est le cas de Maghrib, comme c'est le cas de l'Aïcha. Il nous a dit, Cheikh Al-Albani, que les deux premières rak'ah doivent être plus longues que les troisième et quatrième rak'ah, ou bien la troisième rak'ah. Mais Al-Ma'ruf, Wallahu A'lam, c'est pas connu que Nabi Sallam a dit quelque chose dans la troisième rak'ah du Maghrib et dans la troisième et quatrième rak'ah de l'Aïcha. Ça a été rapporté dans l'Asr et dans le Dhuhr, mais dans la troisième. Et rak'a du Maghrib et la troisième et quatrième rak'a du Isha, Wallahu A'lam, je ne connais pas un hadith qui nous prouve qu'un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam avait lu pendant ces rak'a là, pendant ces unités de prière. Fait Wallahu A'lam, le truc c'est se contenter de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de lire si jamais tu veux dans la troisième et quatrième rak'a, tu le fais dans le Dhahr et dans l'Asr. Amma le Maghrib ou l'Isha, c'est mieux de se suffire du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si jamais il y a une preuve qui prouve cela, tamam, nous on suit les preuves. Inch'Allah, on abda, on a trop fait le dars. Kataka, avant d'entrer dans le dars, barakallahu fikoum, il y avait la mas'ala de le fait d'élever la voix pendant Ta'amin, lorsque tu dis Amin. Est-ce que il est légiféré pour l'imam et ceux qui sont présidés d'élever la voix pour dire Amin? Les ulama, ils ont divergé à ce sujet-là. Lakin al-Sahih, l'avis qui est juste, c'est que l'imam, comme celui qui est présidé, ils doivent élever la voix lorsqu'ils disent Amin. Ils doivent élever la voix lorsqu'ils disent Amin. La preuve qui nous prouve cela, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Idha ammana al-imam fa amminu. Donc comment on peut suivre l'imam si jamais il dit Amin à voix basse, d'une manière à ce qu'on n'entende pas? Donc il faut qu'il se fasse entendre, afin qu'on puisse le suivre et dire Kazalika Amin. Donc ceci nous prouve que l'imam, il doit dire Amin. Et nous, Kazalika, on doit dire Amin, parce que le prophète nous dit Fa Aminu. Le fait qu'il nous dise de faire une chose, Fa Aminu, c'est une parole. Donc Allah Alam, la parole, comme c'est connu dans l'arabe, Tamam, Bilijma', Al-Qawl, c'est Ma'ashtamala Alash, Sot wa Huruf. Al-Qawl, c'est-à-dire la parole, dans la langue arabe, c'est toute chose qui englobe, il y en a des particules, c'est-à-dire A, B, C, D, ou bien Alif, Batatha, et l'akhiri, tamam, des huruf, mabani wa marani, des huruf qui ont des sens, et ces huruf-là, ils doivent être entendus, tamam. Al-Qawl fil lughat al-arabiyya, c'est une chose qui est entendue, tamam. La parole, c'est une chose qui est entendue et qui a un sens. Donc le fait qu'ils disent, faqulu, tamam, donc dites, tamam. Faites, ou bien prononcer la parole de quoi? Amin. Donc on doit le dire, yani à voix haute. Kada les cas, ça a été rapporté. Ce qui nous prouve cela, hadith Abida, ou plutôt le hadith qui a été rapporté par Abu Daoud, selon Wa'il ibn Hujr, d'une chaîne de transmission qui est authentique, authentifiée par Cheikh Mohammed ibn Hizam, Hafidhahullah Ta'ala et d'autres, qui nous dit, Kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إذا قرأ ولد ضال قال آمين ورفع صوته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait ولد ضال dans la prière, il faisait suivre à cela آمين, et nous dit وكان يرفع صوته. Ce sahabi nous disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait آمين, il élevait sa voix. Donc ceci nous prouve qu'il faut élever la voix. وكذلك il a été rapporté de Ibn Zubayr رضي الله تعالى عنه أنه ومن وراءه تمام أمن حتى إن للمسجد للجة c'est-à-dire صوتا مرتفعا. Et ce hadith-là, il a été rapporté par Al-Bukhari, ou plutôt il a été évoqué dans l'imam, dans le recueil de l'imam Al-Bukhari, lakin son chaîne de transmission, lakin ce athar-là, dans lequel il a été dit, que Ibn Zubayr, une fois a présidé la prière, il a dit Amin, lui et les personnes qui ils étaient présidées à ce moment-là, ils ont dit Amin, il dit jusqu'à ce que la mosquée a vibré. حتى في رواية يعني في رواية قالوا حتى ارتج المسجد. تامي زندي آمين جل مانيا. à ce qui anièche les murs de la mosquée. ils ont quoi? ils ont vibré. ça veut dire quoi? ils ont élevé leur voix. tamim d'une manière à ce que les murs de la mosquée ont vibré. donc ceci nous prouve que les sahaba, tamim, ou tabi'un, ils avaient l'habitude d'élever la voix. tamim. donc c'est une chose qui est bien connue. la sunna, c'est d'élever la voix pendant Barakallahoufikoum, pour le Amin. Lorsque tu dis Amin, tu dois élever la voix. Ça, c'est la mas'ala. C'est un sujet que j'avais oublié, un thème que j'avais oublié d'évoquer la semaine dernière. Qala rahimahullahu ta'ala, qira'atul fatiha fi kulli rak'atin. Quel est le jugement de lire la fatiha? Est-ce que tu dois la dire dans la première rak'a et tu te suffis de cela? Ou bien, à chaque fois que tu fais un rak'a, tu dois la lire? Quel est le sujet qui va être évoqué? الآن قال رحمه الله تعالى وتجيب قراءة الفاتحة في كل ركعة يعني دي شيخ الألباني رحمه الله تعالى qu'il est obligatoire de lire يعني plutôt c'est un pilier تمام de lire الفاتحة dans toutes les ركعة dans toutes les ركعة et ça c'est la parole qui est juste car dans ce sujet là il y a une divergence لكن الصحيح في هذه المسألة تمام La parole qui est juste et la vie prépondérante, c'est que, comme l'a dit l'imam al-Bani, la Fatiha doit être lue dans toutes les prières, dans toutes les unités de prière. Et ça, c'est la parole du Jumhur. La majorité des savants, ils sont tous de cet avis. C'est-à-dire de lire al-Fatiha dans toutes ces rak'ah. La preuve de cela, c'est hadith al-Musi à Salata. Le hadith dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a enseigné à la personne qui ne savait pas prier, la prière, il lui a dit fihi. يعني يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له ثم قرأ الفاتحة ثم قرأ ما تيسر نعم أو بتقول لي ثم قرأ أم الكتاب وفي آخر الحديث فقال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها تمام الحديث المتفق عليه الحديث de celui qui n'avait pas prié النبي صلى الله عليه وسلم il a dit puis نعم lis la fatiha c'est-à-dire après que tu as fait الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم et après que tu as dit البسملة lis الفاتحة Et il lui a dit à la fin de ce hadith-là, après qu'il lui a enseigné qu'est-ce qu'il doit faire, il doit faire recours, il doit faire kalaïha, à la fin il lui a dit, ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. Ensuite, fais cela dans toute يعني ta prière. C'est-à-dire, à chaque unité de prière, tout ce qui a été évoqué dans ce hadith-là, il lui a dit, tu dois le répéter. C'est-à-dire, parmi cela, al-Fatiha. Tamam? Parmi cela, al-Fatiha, car on lui a dit, ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. Ou قرأ, فقال له, ثم قرأ أم الكتاب. Tamam? Donc, al-Fatiha doit être faite dans toute, barakallahu fikum. Les unités de prière. Certains ont dit, tu dois la faire dans la majorité de la prière. Certaines personnes me disent, mais si jamais tu l'as lu trois fois, dans trois unités de prière, c'était suffisant. Et si jamais tu l'as délaissé dans la quatrième, là, basbihi. Pourquoi? Parce qu'ils disent que tu as lu le Fatiha dans yani, la majorité des parties de la prière. Et ça, c'est un avis qui est faux. Et certains disent, yani, le fait que tu utilises dans la première rak'a, le Fatiha, c'était suffisant. C'est-à-dire, si jamais tu ne lis pas dans la deuxième, ou dans la troisième, ou la quatrième rak'a, si jamais tu ne lis pas Al-Fatiha, ils disent, yani, ta prière, elle est valide. Lakin, ça, c'est une parole qui est, kadalika, ba'atil, c'est un avis, qui est vraiment faux et qui est vraiment faible. C'est même faux et faible. Ils ont pris, certains, yani, un athar qui est inventé, qui a été inventé, qui a été dit sur Ali, radiallahu ta'ala anhu, annahu qal, naham, iqra Al-Fatiha, fi al-ulayayn, wa sabbih fi al-ukhrayayn. Yani, il a été prétendu que, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu il aurait dit que lis la fatiha dans les deux premières rak'ah et il n'était pas obligé ensuite et il nous dit sabbih fil ukhrayn et ensuite il fait du dhikr fait du tasbih dit subhanallah tamam dans les deux troisième et quatrième rak'ah et ce hadith là yani plutôt c'est un athar qui est mawdou' tamam wa fihi al harith al a'war wa qad kadhiba tamam il y a une personne qui a été connue qui est connu yani, pour le mensonge. Il s'appelle Harith ibn Awar. Dans ce hadith-là, il est da'if jiddan. C'est un affaire qui est inventé. Donc, yani, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve qui prouve que il était suffisant de lire une fois ou bien deux fois le Fatiha. Non, tu dois la lire dans toutes les unités de prière. Et celui qui ne fait pas ça, sa prière sera invalide. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب invalide la prière de celui qui n'aura pas lu al-Fatiha, c'est-à-dire dans toutes les rak'a, comme le prophète صلى الله عليه وسلم l'a enseigné à celui qui ne savait pas prier. قال رحمه الله تعالى ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضا أحيانا. Il nous dit Cheikh Al-Albani que yani il lui est légiféré, c'est-à-dire qu'il lui est recommandé là, dans ce cas-là, puisqu'il a dit Yusen, c'est-à-dire que c'est une sunna pour lui, d'ajouter après le Fatiha, c'est-à-dire dans dans la troisième et la quatrième raka, c'est possible qu'il lise yani d'autres surahs, comme on a pu le voir dans le hadith d'Abu Sa'id, dans lequel il nous a informé de la lecture du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans Al-Dhahr et dans Al-Asr, le hadith qu'on a pu évoquer. Mais précédemment dans lequel il dit qu'il avait lu l'équivalent de Sourate Sajda dans les deux premières rak'a de Salat al-Dhahr. Et dans les deux dernières rak'a de Salat al-Dhahr, il a lu la moitié de ce qu'il a lu dans les deux premières rak'a de Salat al-Dhahr. Et dans les deux premières rak'a de Salat al-Asr, il a lu la moitié de ce qu'il lisait dans les deux premières rak'a de Salat al-Dhahr. Et dans les deux dernières rak'a de Salat al-Asr, il a lu la moitié de ce qu'il lisait dans les deux premières rak'a dans les deux dernières rak'a de Salat al-Dhahr. Donc ceci nous prouve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude, ou plutôt pour coutume dans sa sunna, de lire et d'ajouter dans les deux dernières rak'a, si jamais la prière c'est à la 3 ou 4 rak'a, de rajouter et de lire kazalika après le Fatiha. Donc ceci est une sunna authentifiée du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa qala rahimahullahu ta'ala ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في سنة إنجي شيخ الألباني رحمه الله تعالى. Donc il n'incombe pas d'allonger la prière, tamam, ou plutôt d'allonger la lecture de yani à la mesure ou une mesure qui est plus que celle qui est venue dans la sunna, tamam, c'est-à-dire la personne doit se suffire de ce qui est venu dans la sunna et se conformer à la mesure au niveau de la lecture, tamam, de ce qui a été évoqué dans la sunna et de ne pas allonger à cela. Si jamais il fait plus court, c'est autorisé. Mais le faire plus que la sunna, ça c'est interdit, comme on va le voir, inshallah. C'est même une cause qui sème le trouble et la discorde au sein de la communauté, comme cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah, on va le voir. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il appuie l'avis qui a été évoqué par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, il dit la mesure, au niveau de la lecture, qui doit être observée, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire l'imam, il doit se conformer lorsqu'il lit, lorsqu'il prolonge, ou plutôt au niveau de sa lecture, de la mesure de ce qu'il veut lire, il doit se conformer à ce qui est venu dans la sunna. En se conformant à ce qui est venu dans la sunna, il sera préservé d'allonger et d'être une cause et une charge à la communauté et aux personnes qui le président. À partir du moment où il sortira, ou plutôt il allongera la mesure qui est venue dans la sunna, là il se verra exposé à la réprimande et il se verra exposé à ce qu'on le qualifie d'une personne qui a semé la discorde et qui a affligé une charge aux personnes qui sont derrière lui, qui sont présidées. Donc se limiter à ce qui est venu dans la sunna. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي priez comme vous m'avez vu priez. Et ceci est un combat à l'imam, c'est-à-dire qu'il doit sa lecture doit être conforme même à celle du prophète صلى الله عليه وسلم dans toutes les prières qui ont été légiférées, c'est-à-dire même si jamais au pire des cas il ne fait pas comme lui, il ne fait pas plus que lui. S'il fait moins que lui, là, s'il fait comme lui, c'est le meilleur. Si jamais il fait plus que lui, là il s'exposera à la réprimande et au blâme. Et à ce qu'on nous qualifie d'un fatan, de quelqu'un qui sème la discorde. Tout en sachant, il faut savoir que la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était une prière, ou plutôt la mesure de la lecture du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était, elle était modérée. C'est-à-dire, ni elle est trop khafif, c'est toujours elle est raccourcie, et ni elle est trop longue. C'est-à-dire que les personnes qui sont derrière, ils sont à l'aise lorsqu'ils prient, derrière le prophète sallam, parce qu'il n'y a aucune charge. C'est pour ça qu'il ne faut pas sortir de la sunna au niveau de la lecture, car dans la sunna, il y a une suffisance et surtout il n'y a pas une charge que tu vas affliger aux personnes qui sont derrière toi. Car la lecture du prophète sallam a été qualifiée, comme l'on dit, à Sahaba, kanat qasdan. Comme j'ai dit ذلك من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه كان يقول كان كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكان صلاته قصدا رواه مسلم الامام اوبيتو جابر بن سمرة رضي الله عنه يكلفي nous informe de la lecture du prophète صلى الله عليه وسلم dit j'avais pour habitude de prier derrière le prophète صلى الله عليه وسلم et sa lecture elle était quoi modérée قصدا ni trop longue et ni trop courte le juste milieu tamam. Donc, yani, al-marji', la référence, c'est se limiter à la lecture du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, wa qabla dhalika, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné cela, nous l'a recommandé très fortement lorsqu'il a dit, priez comme vous m'avez vu, priez. Wa kadhalika qala Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, ma sallaytu salatan, qattun wara'a imamin, akhaffa salatan, min, awala atam, min ar-rasul, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam, rawah muslim. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu nous dit je n'ai jamais prié une prière derrière un imam tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet imam là yani était ou plutôt la lecture et la prière de cet imam là était vraiment on va dire modérée. On va pas dire court, mais elle a été khafif, c'est-à-dire elle était légère. C'était pas une charge, tamam. Il dit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas une charge, elle était légère, c'est-à-dire lorsque les personnes priaient derrière lui, il se sentait à l'aise, pour aucun cas, il sentait une charge ou bien que la prière était vraiment longue et l'akhir. Donc, ce qui doit être observé, c'est cela. C'est-à-dire, la personne elle doit être, d'une lecture, sa lecture doit être modérée. Car si jamais il dépasse la sunna, il fait plus, comme on l'a dit, il s'expose au blâme, il s'expose kadhalika à ce qu'on qualifie de fatin. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala fa hadith. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل أفتان أنت يا معاذ alors que vous connaissez معاذ بن جبل c'est un éminent sahabi mais النبي صلى الله عليه وسلم lorsqu'il lui a été informé qu'il a dépassé la sunna c'est-à-dire il a lu d'une manière un peu excessive exagérée dans ce salat al-isha dans laquelle النبي صلى الله عليه وسلم il a fortement déconseillé même interdit de prolonger la lecture Mu'adh ibn Jabal il a lu al-Baqarah tamam dans l'Isha c'est la dernière salah tamam et en plus il a lu vers une heure qui était un peu tarde c'est-à-dire que les gens après avoir travaillé ils veulent se reposer tamam c'est pour ça que dans ce cas-là il est légiféré de khaffaf tamam de diminuer la prière surtout pour l'Isha parce que la journée est longue certains ont travaillé certains ont fait ceci cela chacun a ses occupations donc ils sont fatigués et lui il a lu par-dessus ça Al-Baqarah, lorsqu'il a été informé de cela, tamam, le Nabi sallam, il a dit Afattan anta ya Mu'adh, yani es-tu en train de semer la discorde ya Mu'adh, tamam. Donc il ne faut pas faire cela. Tamam. Le fait de faire ça, c'est une fitna pour les autres, c'est-à-dire tu sèmes la discorde et tu infliges une charge pour les personnes qui sont derrière toi. Donc il y a un Nabi sallam, il m'a dit ou anna rajulan kana yutidu fi salam, une personne est venue et s'est plaint au Prophète sallam, il a dit Inni la ta'akhkhara an salah min ajli fulan. Il dit, je suis retardé à cause d'une personne, j'ai des occupations, et cette personne-là me retarde parce qu'il allonge la prière. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, Naham ayyuhan nas, inna minkum munaffirin. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ayyuhan nas, vous les gens, lorsqu'il a été informé cela, certains parmi vous font fuir les gens. Certains parmi vous font fuir les gens. Parce qu'ils lisent et ils ajoutent à la sunna et affligent une charge aux personnes qui sont présidées. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa ayyukum salla, falyukhaffif, falyujiz. Celui qui préside une prière, qu'il allège la prière. Qu'il allège la prière, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas une charge pour ceux qui sont derrière lui. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna sharra ar-ri'a al-hutama. Parmi les pires des personnes. Parmi les pires des personnes à qui on a confier une charge et un défaut, ce sont ceux qui ont de la dureté dans les choses qui leur ont été confiées. L'imam, lorsqu'il prie, c'est un dépôt qui lui a été confié, c'est-à-dire qu'il doit présider la prière de la meilleure des façons. Même dans ce dépôt-là, si jamais il dépasse la sunna et lit d'une manière à ce que il alourdit aux personnes qui sont présidées, il rentre dans ce hadith-là, il rentre dans les personnes qui affligent une charge. Et parmi les pires des personnes, parmi les pires des responsables. Tamam. Il fait avoir partie des pires des responsables, comme cela a été évoqué dans ce hadith-là. Inna sharra ri'a al-hutama. Parmi les pires des responsables, ceux qui sont durs, ceux qui sont durs dans leur responsabilité. Donc, Inch'Allah, il faut être, suivre la sunnah, car il y a dans cela, il y en a une préservance. Tamam. La personne, elle est préservée. Et Kazalika, il y a, comment dire ça, il y a une aisance pour les personnes qui sont présidées. قال فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن أو مريض أو امرأة لها رضيع أو ذي الحاجة. Il nous dit, Cheikh Al-Albani, car s'il fait cela, c'est-à-dire si jamais il allonge la prière, la lecture, par cela il va affliger une charge aux personnes qui sont derrière lui. Car il dit, derrière celui qui préside la prière, il y a des personnes qui sont, il y a des personnes âgées, il y a des personnes qui sont malades, il y a des femmes qui ramènent avec eux à la mosquée des fois, leurs enfants. Et qu'à lesquels les personnes qui ont des occupations. Donc le fait que tu allonges, tu es en train d'affliger une charge à ces personnes-là. Tamam, tu es en train d'affliger une charge à ces personnes-là. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, قال نعم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وفي رواية وذا الحاجة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم لنفسه فليطيل ما شاء فليطول ما شاء وحديث متفق عليه. Dans lequel النبي صلى الله عليه وسلم dit, lorsque l'un d'entre vous préside la prière, qu'il allège la prière. Car il dit, il y a derrière lui des personnes qui sont faibles, des personnes qui sont malades, des personnes qui sont âgées, des personnes qui ont des occupations. Et il dit, celui qui veut prier, lorsqu'il prie tout seul, celui qui veut allonger la prière, qu'il le fasse. C'est-à-dire, si jamais toi, vraiment, tu veux méditer sur les versets pendant la prière, et tu veux lire, il y en a de nombreux versets, c'est pas haram pour toi, mais lakin, fais-le lorsque toi, tu es tout seul. Et souvent, vous verrez, c'est adib. Tu vas voir des personnes, ils vont allonger la lecture lorsqu'ils sont imam, et lorsqu'il prie tout seul, yani wallah alam, si jamais il dépasse juz al-amma, tamam, juz al-amma, non, yani fais l'aksh, mais tu veux vraiment méditer sur les versets, tamam, pendant la prière tu vas allonger la lecture, fais-le quand toi tu es tout seul, tu as toute la nuit pour cela. Amma, lorsque tu présides pour les gens, khaffif, c'est-à-dire reste sur la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, tamam, car Nabi sallallahu alayhi, il nous dit et nous ordonne d'observer les personnes qui sont derrière toi, tamam, les personnes qui sont derrière toi. Cheikh Al-Albani, plutôt Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, nous dit dans ce hadith-là qui a été évoqué précédemment, et il nous dit ceci, nous prouve que l'imam, il nous indique que l'imam, il doit observer les personnes qui sont derrière lui. Il ne te suffit pas, Yanni, d'être conforme à la sunnah, c'est-à-dire au niveau de la lecture de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, mais la sunnah kazalika pour celui qui est imam, c'est qu'il regarde les personnes, il observe les personnes qui sont derrière lui. Parce que tu as des personnes qui, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont daïfs, qui sont ceci et cela. Et il nous dit kazalika que la charge, à partir de quel moment tu sais que tu es en train d'affliger une charge pour quelqu'un, à partir de quel moment il lui est demandé qu'il allège, il y en a vraiment la prière, lorsqu'il y a, ne serait-ce qu'une personne, qui ressent une charge dans la lecture, à partir de ce moment-là, il doit être rahim, il doit être doux, il doit être clément, il doit être naham, il doit faire part de compassion avec la personne qui ressent une charge, comme c'est le cas avec le hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai une envie de prolonger la lecture pendant la prière, et puis après cela j'entends les pleurs de l'enfant du nouveau-né, il nous dit lorsque j'entends les pleurs de l'enfant, j'allège la prière, je la raccourcis parce que je sais que c'est une charge d'année. Et c'est dur pour la mère d'entendre cela alors qu'elle est en prière. Il nous dit, Cheikh Al-Uthaymin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a observé dans la salah, il y a la mashaqqa qui était pour une personne. Dans la prière qu'il a présidée le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était qu'une personne qui a subi quoi? La charge, c'est-à-dire la difficulté dans la prière, c'était la mère qui entend son fils pleurer. Mais malgré cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas observé, est-ce que jamais, c'est une charge qui est qui est pour tout le monde, qui incombe la majorité de ceux qui sont derrière lui, non. À partir du moment qu'il y a une personne, il dit, Cheikh Al-Albani et Cheikh Al-Uthaymin, il dit, on ne doit pas regarder dans la mashaqqa, dans la difficulté, est-ce que c'est la majorité ou bien c'est une personne? Non, tu regardes. Si jamais c'est une personne qui subit cette difficulté-là, cette charge-là, tu dois être doux avec cette personne-là, car c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Donc ça, c'est important pour les personnes qui sont imams à observer. Ce n'est pas le simple fait que tu as une belle lecture, mais tu dois être aussi doux avec les personnes qui sont derrière toi. Ça fait partie aussi de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'être doux. « Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. » Et nous t'avons envoyé Mohammed, yani, en tant que miséricorde pour l'univers. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Inch'Allah, on va se contenter de cela, parce qu'il a fait l'adhan indana. Ils ont fait l'adhan. Donc si l'un d'entre vous a une question, celui qui prie seul, il lit autant qu'il veut. Ou il y a une sunna. Non, comme il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فَإِذَا صَلَّى أَحَدَكُمْ لِنَفْسِهِ فَيُطَوِّلُ مَا شَاءَ. Si jamais il prie tout seul, il fait ce qu'il veut. فَيُطَوِّلُ مَا شَاءَ. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quoi? Il a laissé le libre arbitre. Il fait ce qu'il veut lorsqu'il est tout seul. وَفِيكَ بَرَكَ اللَّهُ. هَذَا هُوَا إِنْشَاءَ اللَّهُ. Donc on va se concentrer sur cela. بَرَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَنَفَعَ اللَّهُ بِنَا وَبِكُمْ سُبْحَانَكَ اللَّهُ حَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَفِيكُمْ بَرَكَ اللَّهُ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله مع تحية دماج أفاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.